Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Nous allons parler aujourd'hui de la deuxième partie du cinéma comique français en parlant de l'histoire du cinéma comique français et ceci sera la deuxième partie. Commençons donc tout de suite par aborder la comédie française avant le cinéma. En Europe, la comédie, comme genre théâtral, s'est développée dans l'Antiquité gréco-romaine, où elle partageait avec la tragédie les théâtres construits dans l'Empire romain. Durant le Moyen-Âge, le théâtre se joue dans la rue, sous la forme de mystères, fabliaux, farces, sorties ou encore mimes. Certains de ces genres sont plus ou moins inspirés de survivance de genre antiques comme l'Atlane. En France, au XVIIe siècle, avec Louis XIV, l'influence italienne et Molière font reconnaître le théâtre de comédie comme un art à part entière et non plus comme un sous-genre comparé à la tragédie. La comédie française, issue notamment de la troupe de Molière, est formée en 1680. Du XVIIIe siècle et XIXe siècle, la comédie se mêle à l'opéra et à la comédie-ballet pour former l'opéra comique. La comédie se retrouve également dans l'opérette, comme avec le compositeur Jacques Offenbach, au milieu du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, l'opéra se développe, puis forme les comédies musicales. Donc on retrouve la comédie dans ses deux formes musicales. Bourvil et Fernandel commencent d'ailleurs leur carrière comme chanteurs d'opérette. Louis de Funès, de son côté, commence sa carrière dans le musical. Passons maintenant au début de la comédie au cinéma en France, en parlant de ses précurseurs et du temps du cinéma muet. En 1892, avant l'invention du cinéma, Émile Reynaud réalise plusieurs dessins animés de comédie par théâtre optique, comme par exemple « Clown et ses chiens ». Les Frères Lumière, considérés comme les inventeurs du cinéma, tournent en 1895 la première fiction photographique animée, le célèbre « L'arroseur arrosé », une vue comique, comme le dit Louis Lumière. Georges Méliès, issu du théâtre de la prestidigitation, construit le premier studio de cinéma. Il réalise ainsi de nombreux films liés à la comédie, dont beaucoup sont irrémédiablement perdus. Un hommage lui est rendu dans le film Hugo Cabret, sorti en 2011. À l'époque du cinéma muet, Max Linder, Jean Durand et d'autres réalisent plusieurs films comiques muets sous forme de burlesque. Cet élan cinématographique français sera stoppé par le début de la Première Guerre mondiale. Le burlesque français, si l'on accepte les derniers films de Max Linder réalisés à Hollywood, n'a pratiquement pas dépassé les années 1914, submergé ensuite par le succès écrasant et justifié du comique américain. Depuis le parlant, en dehors même de Charlie Chaplin, Hollywood est demeuré le maître du cinéma comique. Voyons maintenant les films parlant d'entre-deux-guerres et sous l'occupation. Avec l'avènement du parlant en 1927, le cinéma comique français prend un autre essor, le rire pouvant désormais être provoqué non plus seulement par le burlesque des situations, mais aussi par les dialogues. Dans les années 1930, certaines comédies françaises ont pour thème la campagne, espace d'origine d'une part importante de la population. Le film intitulé « Le Schpunz » de Marcel Pagnol avec Fernandel est l'histoire d'un homme naïf dans un petit village qui rêve de devenir acteur. Le thème de la campagne associé à celui de la médecine apparaît dans le film Knock, ou Knock à la française, de 1933, basé sur la nouvelle Knock ou le triomphe de la médecine de Jules Romain. Dans ce film joue l'acteur Louis Jouvet en tant que docteur Knock. Ce dernier rejouera le même rôle dans le film Knock, version de 1951. Sous l'occupation, dans le film Premier Rendez-vous, sorti en 1941, l'actrice Danielle Darrieux obtient un énorme succès. Dans le film La Cage au Rossignol, sorti en 1945, un professeur, joué par l'acteur Noël Noël, forme une chorale pour des élèves bruyants en difficulté, ce qui a pour conséquence l'assagissement des élèves. Ce grand succès populaire inspirera Christophe Baratier pour son film Les Choristes, sorti en 2004. Passons maintenant à la prochaine partie de cette chronique, en parlant de la fin de la guerre aux années 70, qui consiste en ce que la comédie montre l'évolution de la société. De la fin de la guerre aux années 70, les changements dans la société française s'enchaînent, dus notamment à la Reconstruction et aux Trente Glorieuses. Les films de comédie suivent et illustrent donc ces changements. Les acteurs marquants de cette période sont notamment Fernandel, Bourvil et Louis de Funès, ces trois acteurs ayant vraiment marqué de leur empreinte le monde du cinéma de comédie française. Fernandel, après avoir joué dans les films de Marcel Pagnol, comme Le Schpunz, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, campe à l'écran le personnage de Don Camillo. Le succès est au rendez-vous et l'on retrouvera le fringant curé dans 5 films différents. Bourvil, lui, diversifie son jeu par rapport au comique de Fernandel et du comique paysan, dérivé du comique troupier, après en avoir été beaucoup influencé. Il est également présent dans le genre du film de Cap et d'Épée. Avec ses rôles dans Les Trois Mousquetaires, version de 1953, Le Bossu, version de 1959, ou encore Le Capitaine, sorti en 1960, auquel il apporte une tonalité humoristique. Il forme un duo avec Louis de Funès qu'il retrouve dans plusieurs films comme Poisson d'Avril, puis Le Corneau et La Grande Vadrouille. Le film Le Corneau est le premier film de l'histoire du cinéma français à avoir atteint 11 millions d'entrées, et La Grande Vadrouille restera le plus grand succès français pendant plus de 40 ans. Jacques Tati, réalisateur, acteur et scénariste français, crée un style de comédie particulier en jouant sur des effets de burlesque. C'est un moyen pour lui de parler des changements dans la société entre les années 40 et 60. Jour de fête, sorti en 1949, premier film français en couleur, a pour thème la vie d'un village français après la guerre. Les vacances de Monsieur Hulot, sorti en 1953, parle de la nouvelle société des années 50, dans les vacances en mer. Mon oncle, sorti en 1958, oppose le Paris traditionnel, tel qu'il existait encore au début des années 50, à un monde en train d'émerger. Enfin, Playtime, sorti en 1967, évoque la nouvelle société qui va émerger dans les années 70. Louis de Funès, qui s'oppose au bon moment pour le cinéma qui se colorise, car le cinéma entre en concurrence avec la télévision dans les années 60, joue dans la trilogie Fantomas avec Jean Marais, puis avec Michel Galabru dans la série de films Le Gendarme. À cette époque, pendant au moins 10 ans, Louis de Funès va monopoliser le cinéma comique français. En effet, annuellement, au moins un des 10 plus grands succès au box-office était un film avec Louis de Funès. En 1967, le film Un idiot à Paris, avec Jean Lefebvre, Danny Carrel et Bernard Blier, montre une certaine nostalgie de la société rurale, alors que la transition société rurale vers société urbaine s'est déjà achevée dans les années 60. En effet, Juliette, jouée par Danny Carrel, a dit, je cite, « Bientôt tu verras, il n'y aura plus de fleurs du tout, parce qu'il n'y aura plus de terre, rien que du ciment. Plus d'herbage, plus de forêt, rien que des rues. Pourquoi faire des rues, puisqu'il n'y aura personne dedans? Ils seront tous devant leur télé. » Fin de citation. Les années 70 évoquent les changements de la société. Comme l'émancipation de la jeunesse, comme nous pouvons le voir dans « À nous les petites anglaises » ou encore « Les grandes vacances ». Comme les changements des habitudes alimentaires, comme c'est le cas dans l'aile ou la cuisse, comme le développement des loisirs, comme dans la série Le Gendarme, comme les problèmes liés à la pollution, comme dans le film La Zizanie, comme l'exode rural, comme nous pouvons le voir dans La Soupe aux Choux, etc. C'est ainsi que se termine cette deuxième partie sur le cinéma comique français. Dans la troisième partie, que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons des années 70 à 2000 et d'autres thèmes, si nous avons le temps, tous aussi intéressants les uns que les autres. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radiogameozo.eu, tout attaché sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de La Crestoire du Cinéma sur notre page Facebook Radio Gameozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi, je vous laisse ici, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.